Le respecté camarade Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, premier président du Comité de la Défense Nationale de la République Populaire Démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée Populaire de Corée, a inspecté l'usine de transformation des céréales de Pyongyang, réaménagée à merveille conformément à la demande de l'époque de l'économie du savoir et à la hauteur d'une puissance socialiste hautement civilisée. Il a été accompagné des cadres responsables du Comité central du Parti du Travail de Corée. Il a visité tout d'abord la salle d'historique et la salle d'éducation selon les hauts faits révolutionnaires nouvellement aménagés. En regardant attentivement les objets qui montrent le trajet glorieux du développement de l'usine, il a affirmé que grâce à la direction lucide et au bienfait du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il, l'usine s'est transformée en un centre de transformation alimentaire d'envergure et qu'il ne faut jamais oublier la mort sublime des grands leaders qui ont prêté l'intérêt profond à l'amélioration de la vie du peuple. En se souvenant avec émotion de sa visite à l'usine avec le général, il a dit que la salle d'éducation et la salle d'historique sont bien aménagées pour transmettre à jamais les bienfaits des grands leaders qui se sont préoccupés beaucoup de la production de la confiserie à l'intention du peuple. Il a relevé que seule la salle d'éducation de l'usine suffit pour faire bien savoir l'exploit du président et du général qui ont consacré tout pour le compte du peuple et la politique d'industrie de transformation alimentaire de notre parti, et que de nombreux objets d'intérêt historique dans la salle d'éducation constituent le drapeau encourageant qui stimule le développement de l'industrie de transformation alimentaire du nouveau siècle et qui appelle les ouvriers de l'usine à l'augmentation de production. Il a souligné la nécessité de procéder à l'éducation efficace à l'aide de la salle d'éducation pour que le personnel, y compris les cadres, réalise le vœu du président et du général par de grands succès de production. Dans différents endroits de l'usine, le camarade Kim Jong-un s'est renseigné en détail sur la modernisation et la production. Il s'est exprimé content de l'application parfaite de la politique du parti consistant à résoudre le problème du sucre avec le maïs largement cultivé dans notre pays au cours de la modernisation de l'usine. Il a fait remarquer que sont établis impeccablement les procédés de production modernes qui obtiennent par méthode industrielle différentes sortes de sucre à partir du maïs pour ainsi mieux renforcer l'indépendance de l'industrie de transformation alimentaire. Il a affirmé que tous les procédés de production à la chaîne, y compris les procédés de transformation du maïs, de production du sucre d'orge mou, du sucre de maïs, des gâteaux et des bonbons sont automatisés, aseptisés et dépoussiérés au niveau élevé, et que le système de contrôle rigoureux de la qualité est établi aussi de façon à épargner la main-d'œuvre dans la mesure du possible, à accroître sensiblement la productivité et à assurer comme il faut la sécurité hygiénique des produits. Il a estimé qu'on peut tirer profit au maximum dans la gestion grâce aux procédés qui produisent de l'huile, des aliments des animaux domestiques et autres avec les sous-produits issus des processus de transformation du maïs. Il s'est exprimé satisfait de la production des denrées alimentaires répondant aux demandes de diététique et d'hygiène en estimant beaucoup le dessin et l'emballage de marchandises. Il a dit que le plus grand succès dans la modernisation de l'usine est d'avoir porté le taux de nationalisation des équipements à plus de 95%, que les équipements de pointe qui sont conçus et construits par nos propres mains et qui sont installés dans tous les procédés de production depuis l'alimentation des matières premières jusqu'à l'emballage sont tous excellents et que le secteur de l'industrie de transformation alimentaire est depuis quelques années à la tête de l'application de l'orientation du parti en matière de nationalisation. Le camarade Kim Jong-un a pris la mesure bienveillante en disant qu'il faut maintenant bien prendre la mesure d'approvisionnement en matières premières pour la normalisation de production du fait que l'usine de transformation des céréales de Pyongyang est modernisée pour fabriquer et fournir davantage de confiseries à la population. Il a continué. Les travaux de modernisation de l'usine ont été énormes et difficiles. Mais la révolution idéologique est stimulée pour que les scientifiques, les techniciens et les ouvriers s'engagent avec audace en comptant sur notre force et notre technique. En conséquence, la révolution technique et la révolution culturelle aussi sont poussées dynamiquement. Les trois révolutions idéologiques, techniques et culturelles sont promues avec force dans l'effort pour la réalisation de la modernisation désirée par le parti. L'usine est vraiment réaménagée à merveille. L'usine a fait peau neuve de sorte qu'on ne peut voir les très anciens. Tout me plaît et je suis vraiment content. Et il a dit avec un large sourire qu'une nouvelle fierté a vu le jour. Le camarade Kim Jong-un a déclaré plein de joie que l'usine de transformation des céréales de Pyongyang est métamorphosée admirablement au moment où tout le pays est animé du courant dynamique pour la modernisation à notre manière, dont l'essentiel est la nationalisation, et que cette usine porte haut le drapeau pour l'adaptation de tout à notre réalité, qu'elle mérite d'être présentée comme exemple dans la campagne de création basée sur la primauté de la capacité de se renforcer soi-même et comme manuel pour la modernisation. Il a proposé de présenter les processus de modernisation de l'usine dans tout le pays et inviter les cadres de la capitale et des provinces à visiter l'usine pour suivre son exemple. Le maréchal Kim Jong-un s'est fait photographier en souvenir avec le personnel, y compris les cadres, après avoir exprimé la certitude qu'il produira davantage de denrées alimentaires de bon goût et de haute valeur nutritive, profondément conscient de l'intention du parti d'assurer le plus vite possible une vie plus abondante à notre population.